ويقوموا بعمل شركة القنال. الآن دلوقتي بيستلموا شركة القنال، شركة القنال المصرية مش شركة القنال الأجنبية. قاموا دلوقتي ليستلموا شركة القنال ومرافق شركة القنال ويديروا الملاحة في القنال، القنال اللي بتقع في أرض مصر، ولنبني صروحا جديدة في العزة والكرامة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui et maintenant, nous prenons possession de la société du canal, la société du canal égyptienne. La société du canal n'est pas étrangère. Nous contrôlons le transport maritime du canal, un canal qui se trouve sur le territoire égyptien, avec un avenir dans l'honneur et le respect. Que Dieu vous garde et que la paix soit avec vous. La réaction du président du Conseil français, le socialiste Guy Mollet, est immédiate.